dans Parole d'experts, Mounir Benchana, directeur de région chez Harmonie Mutuelle, nous parle d'épargne salariale et retraite. Attirer et fidéliser les talents est un enjeu majeur pour toutes les entreprises. Et c'est plus facile avec une vraie politique de partage de la valeur associée à des plans d'épargne. C'est très intéressant fiscalement pour les salariés et les entreprises. Chez Harmonie Mutuelle, nous accompagnons les entreprises de toute taille avec des dispositifs sur mesure, ultra performants et très simples à mettre en place. Plus d'infos sur harmonie-mutuelle.fr. France Culture. Avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Nous vous proposons cette semaine une réflexion sur le tragique, sur le sens de cette notion selon les époques et sur les enjeux philosophiques impliqués. Premier épisode, Racine, le XVIIe siècle et le tragique. La tragédie racinienne met en pièce l'héroïsme cornélien. Non que Corneille n'ait peint que l'homme glorieux, dans Suréna, 28 ans après le Cid de 1636, il ne reste plus grand-chose de la lumière de Rodrigue, le héros est détruit par l'État. Mais chez Racine, c'est autre chose qui met en échec l'héroïsme. C'est en quelque sorte une nature, celle des passions et des instincts, dont la destructivité ne peut être contrôlée. C'est un autre tragique dès lors qui semble à l'œuvre, moins politique que passionnel, misère de l'individu que seul Dieu peut décider de sauver ou non. Tragique augustinien évoquant une prédestination dont l'homme ne sait rien et sur laquelle il ne peut agir. Augustin est de fait la référence reine du jansénisme, ce courant de pensée chrétien né de la correspondance entre l'abbé de Saint-Cyran et son ami Janssen, évêque d'Ypres, entre 1617 et 1635. Un courant de pensée condamné par la papauté, mais qui, autour du couvent de Port-Royal en particulier, a marqué la pensée française du XVIIe siècle. Est-ce la proximité de Racine avec le jansénisme qui donne la clé du tragique racinien? Ou bien force-t-on les choses à poser le problème ainsi? C'est ce que je vais demander à mes invités de ce matin. Bonjour Laurence de Villers. Bonjour Géraldine Mühlmann. Vous êtes philosophe, spécialiste du XVIIe siècle et notamment d'un autre proche des cercles jansénistes, Pascal. Vous avez publié au PUF en 2022 « Philosophie de Pascal, le principe d'inquiétude ». Bonjour Tony Guérert. Bonjour Géraldine. Est-ce que je prononce bien ? Guérard, oui. Guérard, d'accord. Vous êtes professeur de littérature française du XVIIe siècle à l'université Rouen-Normandie, auteur en 2003 aux éditions Champion du « Chant de la grâce », la poésie de Port-Royal d'Arnaud d'Andilly à Racine. Enfin, à distance depuis les studios Radio France de Lyon, bonjour Laurent Thirouin. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de littérature française du XVIIe siècle de l'université Lumière Lyon 2, spécialiste de Pascal, de Port-Royal et aussi des querelles de ce siècle à propos du théâtre que vous explorez dans votre livre de 2007 aux éditions Champion, L'aveuglement salutaire, le réquisitoire contre le théâtre dans la France classique. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Et Dieu m'en sont témoin. C'est Dieu qui, dans mon flanc, ont allumé le feu fatal à tout mon sang. C'est Dieu qui se sont fait une gloire cruelle de séduire le cœur d'une faible mortelle. Toi-même, en ton esprit, rappelle le passé. C'est peu de t'avoir fui, cruel. Je t'ai chassé. J'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine. Pour mieux te résister, j'ai recherché ta haine. De quoi m'ont profité mes inutiles soins? Tu me haïssais plus. Je ne t'aimais pas moins. Tes malheurs te prêtaient encore de nouveaux charmes. J'ai langui, j'ai séché dans les feux, dans les larmes. Il suffit de tes yeux pour t'en persuader. Si tes yeux, un moment, pouvaient me regarder. Vous entendez la fameuse tirade de Phèdre, cette tragédie de Racine de 1677, où Phèdre avoue à Hippolyte son amour interdit. C'est une mise en scène de Patrice Chéreau. Et vous entendez Dominique Blanc dans le rôle de Phèdre. D'emblée, Phèdre accuse les dieux d'avoir allumé dans son flanc le feu fatal à Toussaint. Et se sent maudit, eh bien c'est celui de sa famille maudite, celui de sa mère déjà, Pasiphaé, qui s'était accouplée avec un taureau blanc et avait donné naissance à ce monstre qu'est le Minotaure. Tout le mal est là, tout est dit d'emblée, il n'y a rien à faire. Est-ce là la quintessence du tragique racinien Laurence de Villers ? Alors d'abord, je crois qu'on ne se lasse pas de l'entendre. C'est cet aveu, cette scène particulièrement, où Phèdre ne fait pas d'aveu en réalité. Jamais elle va dire « je t'aime ». L'aveu commence par « connaît donc Phèdre et toute sa fureur, j'aime ». Et elle ne dit pas « je t'aime ». Et là, elle dit « je ne t'aimais pas moins ». Et la force de la passion et la beauté du tragique racinien, c'est de dire la violence sans jamais l'avouer. La violence de l'amour. Alors, l'amour interdit, je précise juste. L'amour, c'est son beau-fils. C'est son beau-fils. C'est le fils de son époux. Et c'est l'amour interdit. Et vous l'avez dit, Géraldine Luneman, je crois que Racine met au jour une troisième catégorie. Il y a l'humain, il y a l'animal, qui peut être dans l'humain, et il y a le monstrueux. Mmh. Et en fait, la passion amoureuse, c'est être aux prises avec un monstre. Je pense qu'en fait, ce que Racine met au jour, mais mes collègues le diront sans doute mieux que moi. Alors, Phèdre, c'est la sœur d'Ariane, celle qui aurait sauvé un autre héros du Minotaure. Mais je pense que Phèdre, et ce que montre Racine, c'est que elle est habitée par un Minotaure, par un monstre, oui. Par une bête monstrueuse. Elle est le demi-frère du Minotaure. La demi-sœur, pardon. Exactement. Pardon. La bête monstrueuse, elle est en nous. Je pense que Racine met au jour cette catégorie du monstrueux pour parler de l'humain. Elle est en nous. Et j'irai plus loin, sans doute qu'on en reparlera. Je ne suis pas la seule à le dire, Lacan va faire tout un chapitre sur ce point. Je pense qu'avec le XVIIe siècle, et particulièrement la Phèdre de Racine, on voit se dessiner un inconscient. Je suis aux prises avec une fatalité, appelons-la comme ça. Elle le dit, hein, c'est Dieu qui ont allumé dans mon flanc. Je suis la victime de quelque chose qui agit le plus fortement en moi, sans moi. Et qui ne peut pas être élaboré, contrairement parfois à ce que disent les psychanalystes de l'inconscient. Et c'est ça qui est encore plus fort au XVIIe siècle. Et je pense que là, on touche à quelque chose de tragique. C'est-à-dire que ce qu'on voudrait supprimer, cette passion amoureuse, fait qu'on me supprime moi-même. Donc en fait, la solution est pire que le mal. Vouloir mettre fin à cet amour, c'est me tuer moi-même. C'est pour ça que la mort se conjugue en permanence avec la passion. C'est qu'à la fois, on veut tuer cette passion qui me tue, mais en fait, ce que je voudrais soigner en moi, guérir cette passion interdite, honteuse, ça apporterait ma propre mort. Donc, le tragique, me semble-t-il, c'est quand la solution est pire que le mal. Alors, on va revenir sur son envie de se tuer qui est dite d'emblée, sa servante nonne essaye de l'en empêcher une ou deux fois dans la pièce. Puis finalement, elle réussira. Mais on va revenir sur cette question. Je voudrais vous laisser réagir plus globalement, Tony Guérard, au tragique racinien ici tellement bien incarné par Phèdre. Il n'y a rien à faire. C'est ça le tragique racinien. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, c'est ça le tragique racinien, c'est évidemment la force de la passion dévorante qui saisit Phèdre. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce texte, c'est l'origine qu'elle assigne à sa passion, puisqu'elle en accable les dieux, elle en accable les divinités de sa religion, dans lesquelles elle voit la cause de la passion qui la dévore. Elle accuse elle accuse les dieux. Ces dieux qui, dans mon flanc, ont allumé le feu fatal à tout mon sang. Et en fait, toute la question est de savoir quel est le statut de ces divinités, puisque le Phèdre attaque des dieux qui, pour les spectateurs de Racine, sont des fausses divinités. Ce sont des faux dieux. Ce sont des démons déguisés en dieux qui tourmentent l'humanité. C'est du moins ce qu'on lui a enseigné à Port-Royal. Alors, donc, allez au bout de cette suggestion que vous faites. Est-ce que pour un chrétien, il n'y a pas de risque de devenir jamais une Phèdre? Parce que le chrétien a d'autres dieux non démoniaques. Est-ce que c'est ça que vous suggérez dans votre remarque? Ah non. Pas du tout. Le chrétien a toutes les chances de succomber aussi aux passions, comme les païens, puisque la nature est corrompue pour un disciple de Port-Royal, pour un élève de Port-Royal, comme les Racines. Et nous sommes privés de la force qui nous permettrait de résister aux désirs, aux pulsions, aux passions qui nous assaillent. Mais là, c'est donc une victime d'autre dieu qu'un chrétien ne comprend pas et ou condamne. Donc Phèdre est quand même une étrangère telle qu'elle est montrée là dans la pièce de Racine, une étrangère au monde chrétien qui est le public de Racine. C'est ça, vous avez accentué ce point, vous l'avez souligné, je voudrais savoir pourquoi. Parce que le Phèdre désespère. Phèdre, c'est ce que vous avez dit il y a un instant. Phèdre succombe au désespoir parce qu'elle n'est pas chrétienne. Un chrétien ne cesse pas d'espérer, ne doit pas cesser d'espérer, même quand il est tourmenté par les passions, même quand il est assailli par le désir. Et voilà, il y a toujours cette lumière, il y a toujours un espoir auquel il ne faut pas renoncer. Mmh. Et Phèdre ne le sait pas, puisqu'elle n'a pas reçu la révélation. Et donc le public éprouve terreur et pitié à voir cette âme tourmentée par une passion qui reste mystérieuse et sans issue. Terreur et pitié, c'est donc ce qu'a dit Racine lui-même dans la préface de Phèdre. C'est cela qu'il voulait susciter dans le public. Qu'en dites-vous de votre côté, si j'ose dire, à Lyon, mais avec nous, Laurent Thirouin, de tout ce qui vient d'être échangé à propos du tragique racinien? Voilà, que pense-t-on du jansénisme à Lyon? C'est une question intéressante. Oui, je crois que première chose, enfin c'est très, je suis assez d'accord avec tout ce que je viens d'entendre. On ne peut pas faire confiance au personnage quand même, c'est un principe déjà de base. Ah. Phèdre nous dit que c'est Vénus tout entière à sa proie attachée, c'est elle qui le dit. On est quand même autorisé à se poser quelques questions. Donc c'est sûr qu'elle héberge en elle, je suis bien d'accord avec Laurence de Villers, elle héberge en elle quelque chose qui lui semble monstrueux et qui se dessine pour elle comme un inconscient. Ça, je crois que c'est une idée qui est probablement forte. Mais l'inconscient est-il une fatalité? Est-ce qu'on peut passer directement de cette idée d'inconscient à la fatalité? Et la tradition est très très inscrite dans la lecture de Phèdre, de faire de Phèdre une héroïne par excellence janséniste. Alors, ce qui est assez amusant, qu'on ne sait pas toujours, c'est que cette tradition a été reprise par Voltaire, mais d'une manière très très moqueuse. Voltaire y voit vraiment une marque de la méchanceté du monde. Et c'est dans une lettre qu'il écrit un de ses correspondants, le marquis de Capaccelli. « Je sais, dit Voltaire, de science certaine qu'on accuse à Phèdre d'être janséniste. Comment, disaient les ennemis de l'auteur, sera-t-il permis de débiter à une nation chrétienne ses maximes diaboliques? N'est-ce pas, évidemment, un juste à qui la grâce a manqué ?» Et là, je pense qu'on est en train de glisser sur une façon de voir les choses qui est pauvre. Parce que quand on fait cette assimilation entre jansénisme, prédestination et fatalité, il me semble qu'on manque toute la richesse de l'élaboration qui est faite à Port-Royal. Je vous remercie, voilà. Parce que là, on est au cœur du sujet. Le tragique racinien, nous venons de le cerner. C'est vrai qu'on pouvait difficilement commencer autrement sur cette question qu'avec l'aveu de Phèdre à Hippolyte, si célèbre, si grandiose. Et en même temps, la question est de savoir si ce tragique racinien doit tout à Port-Royal, doit tout au jansénisme ou non. Je vous propose d'être un peu, disons, pédagogique sur cette question et d'expliquer ce qu'est le jansénisme. C'est Augustin, assurément, puisque ça s'appelle Augustinus, le volume qui est le fruit de la fameuse correspondance à l'origine de la pensée janséniste. Augustin, dans la dernière partie de sa vie, pensait qu'on était prédestiné, qu'on ne pouvait rien faire pour son salut, que Dieu l'avait décidé. Tout au plus, pouvait-on espérer, non? Non. Ah, vous n'êtes pas d'accord. Non, pas du tout, ah, ben, pas ça du commence. Tout, pas du tout. Non, bah, j'adore. Non. Très bien. Eh ben, écoutez, c'est parfait. Je suis ravie. Je voulais. Il se trouve que quand même pas mal de gens expliquent le jansénisme comme ça, oui. Mais je suis très heureuse que les spécialistes se rebellent. Je vous écoute, Laurent Thirouin. Oui. D'abord, bon, une chose qu'il faut toujours rappeler, c'est que le jansénisme, le mot de jansénisme, est une étiquette infamante qui a été construite par les ennemis de Port-Royal pour les ridiculiser, pour montrer que c'était quand même pas grand-chose, que c'était que les disciples d'un évêque flamand mort, Jansénius. Donc ça en faisait une espèce de secte marginale. Donc déjà, à chaque fois qu'on utilise le mot de jansénisme, il y a une petite gêne parce qu'on se met du point de vue des ennemis. Alors après, vous avez raison. Vous connaissez votre camp, Géraldine. Voilà. Mais après, je joue tous les rôles, moi. Vous avez raison. Le grand homme à Port-Royal, c'est Saint-Augustin. Et donc, eux diront, comme vous venez de nous le dire, on n'est rien d'autre que des Augustiniens. Donc, de ce point de vue-là, au moins, on est tous d'accord. Mais là où ça devient plus compliqué, c'est Augustin est-il un ennemi de la liberté ? Sa conception de la grâce écrase-t-elle totalement la liberté de l'homme ? Alors, lui pense que non. À Port-Royal, on pense que non. Aujourd'hui, une lecture plus simple consiste à dire que, dans la querelle entre Port-Royal et les jésuites sont du côté de la liberté et Port-Royal est du côté de la grâce, et donc que Port-Royal serait un peu du côté de la prédestination, parce que la grâce, vous l'avez ou vous ne l'avez pas, si vous l'avez, tant mieux, si vous ne l'avez pas, tant pis, de toute façon, il n'y a rien à faire. Et on voit bien que c'est une idée quand même un petit peu bon, moralement révoltante, et existentiellement désastreuse. Mais tragiquement magnifique, excusez-moi, mais c'est mais si non, il n'y a rien à non, faire, on est dans non, le cœur du tragique. Pas du tout, pas du tout, elle est tragique. Elle est tragiquement pauvre, ah parce bon que s'il n'y a rien à faire, on ne fait rien, et on assiste à son malheur. Voilà, je crois que la grande... Oui, le tragique, c'est quand on fait tout pour, voilà, et que ça ne fonctionne exactement pas. C'est là où c'est tragique. La grande puissance, parce que ce qu'ils ont inventé au XVIIe siècle... C'est une nouvelle forme de tragique, et pour ça je suis ravi de que votre émission mette d'emblée l'accent sur ce point, une nouvelle forme de tragique qui rompt avec la tragédie humaniste. Qui c'est était quoi celle la tragédie humaniste la tragédie du XVIe siècle, les Juifs de Garnier, les grandes lamentations, où il y a un malheur et la victime dit c'est abominable, je peux rien y faire, je vais souffrir, je vais mourir, quel malheur, quel malheur, quel malheur. Alors, ça a un côté évidemment très très touchant, pas fondamentalement plaisant. Il ne faut pas oublier que pour Aristote, la tragédie, c'est un plaisir. Donc, il faut toujours se demander où est le plaisir dans cette histoire. Mais au XVIIe, on bâtit, alors c'est vrai chez Corneille, et c'est encore plus vrai chez Racine, on bâtit une interrogation sur la faute. Alors, je vous remercie d'avoir prononcé ce mot, parce que c'est vers là aussi que je voulais aller. Il est clair que Phèdre pense qu'elle doit se tuer. Et elle n'est pas la seule des héroïnes raciniennes. Comme si, d'une certaine façon, rien n'est de sa faute, puisque c'est le sang maudit de sa mère et les dieux qui sont à l'origine de cette malédiction du sang. Elle le dit, et en même temps, il faut qu'elle se tue. Donc peut-être que là, moi, y a-t-il quelque chose de chrétien dans un environnement intellectuel païen en apparence. Néanmoins, j'aime beaucoup ce moment, c'est le moment où je ne comprends plus rien dans l'émission, puisque j'ai commencé en vous disant, Phèdre, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, tout est écrit, tout est là, n'est-ce pas ça le tragique chrétien ? Vous m'avez tous dit oui, et maintenant vous me dites, non, il y a plein de choses à faire, dans le jansénisme, y compris de Racine, il n'y a pas rien à faire. Alors là, j'ai besoin que vous m'aidiez vraiment, Laurence de Villers. Alors, je vais essayer. D'abord, je pense qu'on a une vision de Port-Royal qui est encore tributaire de ses ennemis, Laurent Thirouin l'a dit, et d'une vision du 19e siècle. Si je devais vraiment vous dire, avant d'en venir au tragique de Port-Royal, mais Port-Royal, c'est quoi ? D'abord, c'est une avant-garde. En fait, de nos jours, ça serait un mouvement avant-gardiste. donc très novateur, avec des éléments même subversifs. Le fait d'enseigner, d'avoir... Port-Royal avait ses écoles, une manière d'enseigner, de vouloir, par exemple, traduire la Bible en français. Ça nous paraît banal, mais c'est Port-Royal qui a banalisé des choses qui l'étaient pas du tout. Donc c'était vraiment un mouvement culturel, religieux, intellectuel et artistique à l'avant-garde. Donc c'était pas un mouvement réactionnaire à la marge et qui voulait revenir vers je ne sais quoi. C'était en fait un mouvement qui dessinait un avenir. Donc ça change quand même la vision qu'on peut avoir. Ensuite, le tragique. Alors là, je pense qu'il y a une erreur qu'on commet souvent, c'est qu'on voit du tragique là où il y a juste du christianisme. Et que, effectivement, depuis le XVIIe siècle, on va dire le catholicisme même, a changé, et que ça nous semble tragique et accordé tout à la toute-puissance de Dieu, et pas grand-chose à la liberté de l'homme, alors qu'en fait, c'est parfaitement orthodoxe, c'est parfaitement chrétien. Il n'y a rien de tragique, il n'y a rien de janséniste en réalité. Dire « Dieu est tout-puissant, s'il est vraiment Dieu », c'est lui qui a décidé de mon salut. Sinon, il n'est pas Dieu, c'est juste un camarade de promo qui vous aidera ou pas. Vous voyez, ça, ouais. Si Dieu est Dieu, il a cette toute puissance et cette liberté de sauver certains hommes. Et le salut n'est pas un salaire. Et nous, on a une vision très comptable du salut. On croit que dans la colonne de mes mérites, je mets tous mes mérites, et puis dans la colonne de Dieu, tout ce que Dieu doit récompenser de mes mérites. Donc on confond la grâce avec un salaire. La grâce n'est pas un salaire, c'est parfaitement gratuit. Ça dépend de la toute-puissance et de la liberté de Dieu. Et d'ailleurs, Dieu ne pouvait ne pas nous la donner. Après tout, qu'est-ce qu'on a fait depuis le début, nous les hommes ? Nous détourner de Dieu et de dire « on n'a pas besoin de toi ». Donc Dieu, dans sa justice, pouvait être parfaitement Dieu et juste en ne donnant le salut à personne. Ça, c'est chrétien, c'est pas janséniste. Oui, c'est... Donc il n'y a rien de... Paulinien même, on peut le dire. C'est... D'ailleurs, Fête parle un peu comme... Les jésuites comme les Paul. Jansénistes soutiennent la même chose. Il y a la toute-puissance de Dieu, là où il y a la différence. Une chose, je peux intervenir. Mais attendez, parce que j'entends... Référence. Il faut quand même que Tony Guérard puisse également donner son avis. Ouais. Je suis désolée, là, il vous attend depuis 10 minutes. Mais je vous redonne la parole tout de suite, Laurent Thirouin. Tony Guérard. Merci. En fait, bon, il faut bien voir que l'idée... Une idée qui continue d'avoir cours dans les manuels scolaires, qui est que Phèdre serait un personnage maudit, qui chercherait à se débattre, qui espérerait une espèce de lumière et de salut, puis qu'elle pourrait pas y arriver, parce que de toute façon, elle est prédestinée, donc pour elle, c'est barré. Bon, ça, c'est une vision complètement fausse, oui, complètement erronée, avec laquelle il faut absolument rompre. L'idée de la juste, du juste à qui la grâce manque, mais ça ne tient pas debout. Vous pouvez pas être juste si vous avez pas la grâce. Donc, ça ne tient pas debout. L'idée qu'on puisse avoir aspiré au bien, ou au salut, ou à quelque chose, mais que simplement Dieu a dit non, pas toi, c'est totalement faux et erroné. Simplement, Phèdre est effectivement un personnage qui n'a pas reçu la grâce parce qu'elle vit dans une époque antérieure à la révélation. Et c'est, comme le disait Laurent Thirouin, un personnage qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle vit dans un monde, elle est superstitieuse. Elle dit mon mari est aux enfers. On ne voit point de foi le rivage des morts, Seigneur, puisque Thésée a vu les sombres bords. En vain vous espérez qu'un dieu vous le renvoie et l'avare Achéron ne lâche point sa proie. Bon, ça c'est magnifique, une poésie sublime, absolument sublime. Mais en fait, cette croyance est erronée, puisque nous apprenons que Thésée est en fait dans des lieux, dans des espèces de prisons, dans les prisons des pires en fait. Voilà, des lieux voisins de l'Empire des Morts, mais pas dans l'Empire des Morts. Donc, Phèdre est superstitieuse. Elle croit en des dieux dont on sait qu'ils n'existent pas, et dont la pièce nous montre qu'ils n'existent pas. Thésée n'est pas aux enfers. Bon, voilà, donc elle vit dans un monde imaginaire, façonné par des fausses croyances, auxquelles nous échappons, parce que nous sommes, nous le spectateur de Racine, nous sommes chrétiens. Et donc nous savons qu'elle est tourmentés par ces passions qui portent en elles-mêmes leurs propres contradictions, comme le disait Laurence tout à l'heure, des passions qui ne peuvent pas aboutir à la satisfaction ou au bonheur parce qu'elles s'autodétruisent. Ouais. Ça, à présent, parce qu'elles sont contradictoires. C'est ça le tragique. Le tragique de Racine, si vous voulez, le tragique, c'est, ce sont de Madame de Lafayette, de Racine, des grands auteurs du classicisme avec plein de guillemets. Et même de Pascal. C'est cette autodestruction des passions. La passion porte en elle-même les germes de sa propre négation. C'est ça le tragique. Écoutez, en tout cas, votre passion me touche beaucoup. Je voudrais quand même aller au bout, parce que vous évoquiez le fait qu'elle n'est. Elle est en deçà du christianisme. C'est vrai qu'elle parle comme celui qui n'a pas vu encore cette lumière. Déjà, je ne vois plus qu'à travers un nuage, dit-elle, à l'acte 4. Et c'est vous-même dans vos travaux, je ne sais plus lequel d'entre vous, qui faisait le lien avec la première épître aux Corinthiens. À présent, nous voyons dans un miroir et de façon confuse. Mais alors, ce sera le face-à-face. Elle est dans cette confusion de n'avoir pas vu la vraie lumière chrétienne, c'est ce que vous voulez dire, je crois. Alors maintenant, à vous, Laurent Thirouin, peut-être pour tout nous démolir, je vous laisse faire. Pas pour tout vous démolir. Mais alors, je voulais dire que sur cette question, pour abonder dans l'idée qu'il y avait quand même, au départ, les données anthropologiques du christianisme, c'est qu'une des plus belles pièces sur la grâce, c'est pas une pièce de Port-Royal, c'est une pièce de Corneille, c'est Polyeucte, qui montre en conclusion la conversion absolument ahurissante du personnage le plus minable, le plus désastreux, le plus affligeant, qui est le nommé Félix, qui se convertit. Alors qu'un personnage qui, lui, a toutes les vertus possibles, qui est sévère, reste imperméable à la grâce, comme dirait Peggy. Mais je voudrais pas, bien sûr, je ne disconviens pas de ce que vient de dire Tony Guerra, mais je voudrais pas qu'on simplifie quand même la question en disant c'est simple, Phèdre est pas des nôtres, elle est pas chrétienne, donc elle y comprend rien, nous on la regarde avec notre christianisme, donc les choses deviennent beaucoup plus claires pour nous. Ça évacue un peu la question. Phèdre peut-elle, est-elle libre ou n'est-elle pas libre? Oui. Quelle est la part exacte de sa responsabilité? C'est pas facile, de répondre à cette question, et moi je n'aimerais pas l'écarter en la renvoyant dans le camp des païens. Et peut-être que de ce point de vue-là, en tout cas à mon sens, la pièce qui serait la plus éclairante de Racine, c'est Britannicus, où l'on voit un monstre naissant, Néron, en train de devenir monstre. Alors, était-il fatal que Néron devienne Néron? Eh bien non. Et là, il y a vraiment une interrogation dans la pièce de Racine sur la liberté de Néron. Sa liberté sera-t-elle de tuer son demi-frère, Britannicus, ou de ne pas le tuer? Mais si Phèdre est aussi libre que vous le dites, alors Phèdre, je comprends qu'elle est une faute en elle. Non, mais Phèdre se réfugie dans le sentiment de sa non-liberté. C'est quand même toujours le plus simple de s'imaginer qu'on n'est pas libre. Soyons bêtement sartriens. On n'accepte pas l'idée de sa liberté. On pourrait dire que Phèdre, de ce point de vue-là, a tout du salaud sartrien. Mais si elle est libre... Quand elle libre, dit « c'est Phénus tout entière à sa proie attachée », elle se prend pour Phèdre qui n'a rien à faire. Oui, c'est peut-être une excuse, de la mauvaise foi, comme dirait Sartre. Voilà, mais cela dit, si elle est libre, elle est moins tragique. Et non, au contraire, non, elle est non, plus... Non, parce que ce qui est tragique, c'est la responsabilité. Et là, je crois que c'est vraiment le grand apport de la tragédie du XVIIe siècle, c'est ce qui est abominablement tragique, c'est que je suis moi-même la cause de mon malheur. Alors pourquoi suis-je la cause de mon malheur? J'ai des tas de circonstances atténuantes. Et je suis pas, évidemment, je ne le voulais pas ce malheur. Donc je ne suis pas la cause dans la mesure où j'ai voulu mon malheur, mais j'ai tout fait pour qu'advienne ce malheur. Je crois que je commence à comprendre maintenant. Et c'est Merci. Cet examen, c'est cet examen. Alors c'est très compliqué à penser, et c'est pour cela que Racine est prodigieux. Et qui nous permet de penser des choses que les gens de Port-Royal avaient beaucoup, beaucoup de mal à penser. C'est-à-dire que parmi les 5 propositions qu'on a reprochées, qu'on a tirées du livre de l'Augustinus, il y en avait une qui est très, très complexe et difficile à penser, c'est quel est le type de liberté qui rend l'homme responsable? Est-ce que c'est la liberté de la contrainte ou la liberté de la nécessité? Voilà. Alors, est-ce qu'on est libre parce que personne ne vous force? Ou est-ce qu'on est libre, quoi qu'on ait quand même en soi une forme de nécessité interne? Et c'est la question de cette nécessité interne. Or, on est tous libres malgré nos nécessités internes. Et je pense que la tragédie de Racine nous aide à penser cette liberté paradoxale qui fait que on ne fait pas ce qu'on veut faire. Pourtant, on le fait. Qu'en pensez-vous, Laurence de Villers? Vous qui, pourtant, au début, disiez qu'il y a un inconscient fatal qui opère sur les personnages raciniens. Mais oui, c'est cette contrainte. C'est-à-dire que le monstre, on l'héberge en nous. Alors, il peut prendre le nom ou la forme de la passion amoureuse, de la passion du pouvoir, mais en tout cas, nous sommes un labyrinthe avec en son centre un monstre qui nous dévore nous-mêmes. Mais cet inconscient, c'est permet, enfin, je pense qu'il y a vraiment le lieu d'un inconscient au XVIIe siècle. C'est chez La Rochefoucauld, chez Racine qu'on est en train de voir. Chez Perrault, j'ai envie d'ajouter, mais absolument, mais vous avez raison. Vous avez raison. Oui. Et cette idée que mon agir, c'est jamais l'agir, faire, ma capacité, mon pouvoir de faire, c'est jamais aussi simple qu'on l'imagine. C'est-à-dire que on trace une ligne droite entre vouloir et pouvoir. Généralement, on dit, bah, quand on veut, on peut. Parce que je veux, je vais pouvoir. Ce que met au jour, de manière sublime, Port-Royal, et je crois que c'est là que se loge le tragique, c'est que vouloir, ce n'est pas pouvoir. Parce que d'abord mon vouloir est comme opaque à lui-même, c'est ça l'inconscient. Je ne sais pas vraiment ce que je veux quand je dis vouloir. Parce que Phèdre dit ne pas vouloir aimer Hippolyte, mais en même temps elle éprouve une vraie délectation quand même à l'aimer. Il y a une passion. Il faut bien qu'elle ait une jouissance, hein, parce que ça ne marche pas du tout. Mais il y a une jouissance quand même. Je suis inconnue à moi-même. Il y a une opacité. Donc, mon vouloir, c'est pas si clair que ça. Et puis, c'est là que va se jouer le tragique, c'est que la liberté même de mon vouloir, je veux, le fait de pouvoir dire je veux, ça implique une forme de liberté. Eh bien, dans cette liberté, je suis lié. C'est-à-dire, c'est une liberté contrainte. S'exerce sur moi le poids de la passion, la fatalité de cette passion. Enfin, n'importe qui a été amoureux sait très bien que c'est, ça s'exerce en moi comme une fatalité. Je voudrais bien ne plus aimer, j'aime encore. Et j'aime encore quand je suis en train de haïr. Donc, ça rend prisonnier mon agir, mon vouloir. Et puis, je crois que le tragique, c'est pas l'impossibilité de faire quoi que ce soit, parce que ça serait même pas intéressant de le voir, il y aurait absolument pas de tragique. C'est quand le héros a cette liberté, ce minimum de vouloir et donc de pouvoir, oui, et qui se heurte à des tas de chaînes, de murs, d'impossibilités et d'impasses. C'est ça qui fait qu'on frémit, c'est qu'on se dit le héros est libre, il va peut-être y arriver. France Culture avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Premier épisode ce matin d'une série sur le tragique et avec quelle passion nos trois invités, Laurence de Villers, Tony Guérard et Laurent Thirouin, nous parlent de Racine, du tragique de Racine. Nous sommes en plein XVIIe siècle français et franchement avec une vitalité, si j'ose dire, dans la conversation qui est un bonheur. Alors maintenant j'ai une question pour mes trois invités. Je voudrais savoir pourquoi Phèdre veut se tuer tout le temps. Elle n'est pas la seule. Toutes les héroïnes raciniennes n'ont pas envie de se tuer. Bérénice, Andromaque ne se tuent pas. Mais enfin, il y a des envies. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? Alors parlons évidemment de celle qui se tue et à laquelle on comprend le moins, me semble-t-il, c'est Athalide dans Bajazé. Athalide se tue alors que franchement, elle n'a pas grand-chose à se reprocher. Elle aime Bajazé, le frère du sultan, qu'il aime aussi. Le problème vient d'abord d'un projet politique fratricide du sultan qui voudrait tuer Bajazé, et puis de l'épouse du sultan, Roxane, qui aime Bajazé et qui propose de l'épouser pour le sauver du fratricide. Finalement, tout le monde meurt, le sultan fait tuer et Roxane et Bajazé. La pauvre Athalide a perdu son amour. Elle me semble n'être pour rien dans toute cette affaire, ou à peine, et elle veut se tuer pour venger, dit-elle, non seulement son amant, mais Roxane elle-même. On écoute ce moment très célèbre, la toute fin de Bajazé, le monologue d'Athalide. Enfin, c'en est donc fait. Et par mes artifices, mes injustes soupçons, mes funestes caprices, je suis donc arrivée au douloureux moment où je vois, par mon crime, expirer mon amant. N'était-ce pas assez? cruelle destinée, qu'à lui survivre, hélas, je fusse condamnée. Et fallait-il encore que, pour comble d'horreur, je ne pusse imputer sa mort qu'à mes fureurs? Oui, c'est moi, cher amant, qui t'arrache la vie. Roxane ou le sultan ne te l'ont point ravi. Moi seul j'ai tissu le lien malheureux dont tu viens d'éprouver les détestables nœuds. Et je puis, sans mourir, en souffrir la pensée? Moi qui n'ai pu tantôt de ta mort menacer, retenir mes esprits, prompt à m'abandonner? Ah! N'ai-je eu de l'amour que pour t'assassiner? Mais c'en est trop. Il faut, par un prompt sacrifice, que ma fidèle main te venge et me punisse. Vous, de qui j'ai troublé la gloire et le repos, et héros qui deviez tous revivre en ce héros. Toi, mère malheureuse, et qui dès notre enfance me confia son cœur dans une autre espérance. Infortuné vizir, ami désespéré, Roxane, venez tous contre moi conjurer, tourmenter à la fois une amante éperdue, et prenez la vengeance enfin qui vous est due. C'était Bajazé de Racine, cette pièce de 1672, ici mise en scène par Éric Ruff, création de la Comédie Française et de France Culture. En 2017, jouée au théâtre du Vieux Colombier, le personnage d'Athalide qu'on entend ici est interprété par Rebecca Marder. Pourquoi Athalide se tue-t-elle, Tony Guerrer? Eh bien, bon, elle l'explique, elle se tue pour une double raison qui est la vengeance et le châtiment qu'elle s'inflige. C'est une bizarre vengeance, ils sont tous morts. Alors oui, effectivement, c'est une vengeance une vengeance post-mortem qui s'accomplit. Il y a aussi il y a l'autre dimension. Il y a la dimension, c'est sa culpabilité, sa responsabilité dans ce qui est arrivé, puisque l'espèce de double jeu, de go-between, d'intermédiaire qu'elle a joué pendant la pièce, finalement, a été a mené son amant. À la mort, elle n'en avait pas perçu toutes les conséquences et elle pensait qu'elle pourrait, comme Titus d'ailleurs, elle pensait que le moment de la sanction n'arriverait jamais. C'est comme Bérénice dit à Titus, mais vous saviez bien qu'un jour vous alliez devenir empereur et qu'à ce moment-là les choses allaient devenir compliquées. Eh bien oui, mais je n'y pensais pas, j'étais dans l'instant. Est-ce même que je me trompe en disant Athalide. Et puis tout d'un coup, ses yeux s'ouvrent. Est-ce que Bérénice se tue? Je ne crois pas. Ah, Bérénice ne se tue pas. Elle menace de tue son amour. Elle renonce à son amour. Elle menace de se suicider. Et Andromaque, pareil. Et Andromaque aussi. Elle prévoit de se tuer après son mariage. Bah, Andromaque, elle vit en mettant au milieu de la pièce un tombeau. Son mari, enfin, c'est toute la pièce Andromaque devrait s'appeler Hector. Enfin, cette pièce, elle est construite autour d'un cercueil. Et moi, Andromaque, je la vois comme une héroïne, une araignée. Hein, c'est ce que dit Michel Serres aussi. C'est la veuve noire qui va quand même tuer. Ah bon, vous la voyez comme ça? Ah bah oui, c'est quand même. Enfin, c'est la mort. C'est une pièce. Elle a le droit d'aimer quand même. Excusez-la. Elle a le droit d'aimer, mais elle aime quelqu'un qui fait que aucun vivant ne peut lui être égal, puisque ce mari mort, magnifique, héroïque, et qui devrait être vengé. Enfin, ça fait que tous les vivants sont en train de s'étioler autour d'elle. Elle place vraiment. Enfin, pour moi, Andromaque, c'est une pièce sur la mort. Elle place. Un mort et la mort. Mais c'est la question de la faute. Oui, pardon, Tony Guerrer. Allez-y, finissez. Pour moi, Andromaque, c'est une pièce, au contraire, sur la vie et sur la survie d'Astyanax, en fait, qui est effectivement le rejeton d'Hector. Donc, mais je pense. Elle est prête à le sacrifier. Je pense qu'en fait, la vérité, on l'a tous les deux. C'est-à-dire qu'elle est effectivement coincée entre la mort et la vie. Voilà. Et que là aussi, c'est ça aussi le tragique d'Andromaque. Mais le tragique, c'est ça. C'est être coincé. C'est être coincé. Mais c'est ça quand je disais que l'agir est lié, l'agir est une prison. C'est-à-dire que, le maximum de tragique, c'est que quand je veux faire mon bonheur, je fais mon malheur. C'est ce que dit Athalide, c'est moi, cher amant, qui t'arrache à la vie. Et c'est quand même le schéma aussi d'Œdipe, finalement, le premier héros de tragédie. C'est que quand il pense rendre justice et faire ce qui est bien, il fait advenir la mort et le mal. Et c'est ça, c'est une action qui se retourne contre moi. Et c'est ce que dit Attalide, quand j'ai voulu sauver mon amant, mais en fait j'ai fait son malheur et le mien. Vouloir mon bonheur, je ne veux rien d'autre, parce qu'on est quand même à Port-Royal, je ne veux rien d'autre que mon bonheur. L'homme ne veut qu'une chose, son désir le plus violent, le plus puissant, qu'on retrouve dans tous les désirs, c'est d'être heureux. Laurent Thirouin. Oui, alors, bon, je crois que Attalide, c'est vraiment le cas d'école. C'est ce qui peut le plus nous permettre de comprendre le tragique en jeu ici. Parce que vous commenciez à dire, la pauvre, elle se tue, mais elle n'avait rien à se reprocher. Elle a plein de choses à se reprocher, Attalide. Mmh. Et elle n'a pas tort quand elle dit qu'elle est la cause de la mort de Bajazet, car à plusieurs reprises, Bajazet était sauvé. Et si Bajazet est conduit à la mort, c'est parce qu'Attalide, chaque fois qu'elle arrivait à ses fins, détricotait ce qu'elle avait fait dans un premier temps. Est-ce que je peux quand même faire une objection? Bajazet, c'est un grand garçon. S'il avait voulu vraiment épouser Roxane, eh bien, il l'aurait fait. Elle a quand même eu le droit, Attalide, de lui faire part de ses sentiments et de la difficulté qu'elle avait à céder à ce mariage. Bajazet ne veut pas épouser Roxane et dit qu'il préfère mourir et... Attalide répond à Bajazet qu'elle préfère le voir vivant dans les bras d'une autre. Et Bajazet n'en a pas très envie, mais il cède quand même à la demande d'Attalide. Alors, est-ce que Attalide, là je crois qu'on y est exactement à l'endroit, est-ce que Attalide préfère voir Bajazet vivant dans les bras d'un autre? Ben oui et non. Elle le veut, mais elle le supporte pas. Et donc, chaque fois que ce qu'elle veut se produit, elle fait en sorte pour que ça soit détruit immédiatement. C'est-à-dire que je reprends un peu ce que disait tout à l'heure Laurence de Villers, parce que c'est vraiment là que les choses se passent. Est-ce que je veux... vouloir, ça n'est pas pouvoir, évidemment, mais est-ce que je veux vraiment ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Oui. Quelle est la cause réelle de mon vouloir? Et donc, Attalide, à la fin, se rend compte qu'elle a, pour ainsi dire, voulu la mort de Bajazet. Donc, elle ne supporte pas cette idée qu'elle a causé la mort. Est-ce que vous... Oui, pardon. Si je rajoute encore une chose, c'est qu'on a... On a une conception mécanique de la grâce et qui rend complètement idiote les oppositions et les polémiques du XVIIe siècle. Parce qu'on voit toujours la grâce comme une aide que Dieu apporterait à l'homme pour qu'il agisse bien. Mais la grâce, quand on parle de saint Augustin, la grâce est d'abord érotique. La grâce, ce que Racine a parfaitement montré dans Esther, où Esther, figure de la grâce, est une figure de la séduction. C'est que la grâce modifie notre vouloir. Elle nous fait vouloir pleinement autre chose que ce qu'on voulait avant. Donc quand on est sans la grâce, on est dans une espèce de vouloir, dans une sorte de schizophrénie, de vouloir éclater, qui est intolérable. Et ce qui arrive à Attalide, c'est qu'elle est mise devant les conséquences de ses actes et qu'elle ne sait plus ce qu'elle voulait, ce qu'elle ne voulait pas. Évidemment qu'elle ne voulait pas que Bajazet meure. Non, mais de fait, si elle n'avait pas fait tout ce qu'elle a fait, Bajazet ne serait pas mort. Donc, elle ne supporte pas ce qui est sa responsabilité. Bon, alors du coup, votre raisonnement, allons au bout. Est-ce que c'est parce que Bérénice et Andromaque sont plus dans la grâce et ont moins à se reprocher qu'elles ne se tuent pas, contrairement à Attalide? Elles sont moins fautives. Elles sont moins fautives. Elles sont, c'est ce que vous dites. Romain, je la mets comme la Laurent fautive. Thirouin. Oui, j'ai vu Laurence de Villers. Oui, mais je voulais la réponse de Laurent Thirouin, puisque c'était votre analyse, que celles qui sont dans le plus dans la non-grâce se tuent. On a un document passionnant qui sont les notes de Racine à la Poétique d'Aristote. Alors, les notes et quelques traductions. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui intéressait Racine dans la Poétique d'Aristote. Qu'est-ce qu'il a gardé? Alors, il y a beaucoup de choses dont on pensait que ça devrait passionner un dramaturge, qu'il a absolument laissé de côté. Par contre, il traduit intégralement, et parfois il modifie un petit peu, tout ce qui parle du personnage tragique et de la faute. Et là où Aristote disait qu'il faut que ça soit, bon, comme le reprend Racine, hein, un personnage qui tombe dans le malheur, non pas vraiment parce qu'il est coupable, qu'il est ni innocent ni coupable. Racine ajoute, il faut que ce soit un homme qui, par sa faute, devienne malheureux. Donc, chez Racine, il y a toujours l'idée que, vous savez, c'est le terme grec, hein, l'amartia, l'égarement. L'égarement est une espèce de responsabilité insupportable. Et je crois que pour Port-Royal et pour les Augustiniens, elle porte un nom très exact, qu'on n'a pas encore prononcé pendant cet entretien, mais qui est absolument indispensable, c'est le péché originel. C'est la question du péché originel. Merci, c'est très, très beau ce que vous venez de dire, je trouve, sur, sur la, la grâce et la responsabilité qu'on a malgré tout à ne pas l'avoir. C'est compliqué, mais c'est très intéressant. Tony Guérard. Oui, égarement, dit Laurent Tiroin, aveuglement aussi. Hein, l'aveuglement, le personnage, effectivement, veut son bonheur, mais se précipite vers son malheur, parce que, en fait, il n'a pas une analyse lucide de la situation. On parlait d'Andromaque. Il y a une scène passionnante dans Andromaque, où Andromaque supplie Hermione de la laisser fuir. Laissez-moi partir avec mon fils, et ensuite vous aurez le champ libre. Évidemment, Hermione a tout intérêt. Le calcul d'Hermione serait de dire, mais oui, je te prépare un bateau, tu t'en vas, et on n'en parle plus, et j'ai Pyrrhus pour moi. Et aveuglée par sa passion, Hermione va faire le contraire. Elle va vouloir se venger d'Andromaque. Elle va dire, mais non, Pyrrhus me préfère. Hein, totalement aveuglée par sa passion. Et elle va garder Andromaque dans le palais, et la pièce va se finir comme on sait. Laurence de Villers. Alors, juste une petite chose, c'est que je ne voudrais pas qu'on donne l'impression que ces tragédies de Racine et que les auteurs de Port-Royal ne sont que pour les chrétiens et ne parlent qu'à des chrétiens et que tout est mécaniquement agencé autour de la question de la grâce et du salut. Je pense que il y a une conception de l'homme, de la nature humaine qui se dessine dans ses pièces et dans ses écrits. Alors, je vais aller très loin, c'est un peu provocateur, mais qui ne doit pas s'expliquer uniquement par le christianisme. C'est-à-dire qu'il y a une vérité anthropologique, il y a une vérité de ce qui est dit sur la nature humaine, qui n'a, d'une certaine façon, pas besoin qu'on y ajoute le péché originel. Et je ne la dis pas grâce, que ça compte pas. Garments, parce que, encore une fois, quiconque a été pris par la passion amoureuse ou par une autre passion, c'est un, que on ne sait pas exactement ce qu'on veut et que parfois notre vouloir est mortifère, il se nie lui-même, il se dévore lui-même. Oui. On peut être comme agi par quelque chose qui est en nous sans nous, une forme d'inconscient. Que la violence et quelque chose qui, en fait, nous motive, et que le désir est violence. Et là, j'ai pas besoin d'ajouter le péché originel. C'est-à-dire que on pourrait trouver ça dans Camus, dans Nietzsche, et je le dis à dessein, parce que ce sont des grands lecteurs de Pascal. Donc, vous voyez, je voudrais pas qu'on donne l'impression que le christianisme vient tout expliquer, tout supporter, tout écrire. Et ben, je vous remercie beaucoup pour cette mise au point qui m'offre une transition vers un auteur que je crois vous estimez tous, même si vous le prolongez, peut-être vous le contestez sur certains points, c'est Paul Benchoux, auteur en 1948 de Morale du Grand Siècle, qui évoque chez Racine une sorte de démolition du héros, c'est le titre d'un de ses chapitres. La question se pose donc de savoir s'il reste une grandeur chez l'homme racinien par rapport à l'homme cornélien, par exemple. C'est intéressant parce que Paul Benichoux, sur France Culture, en 1988, donc 40 ans après l'ouvrage que je viens de citer, revient un peu sur ce problème comme s'il était un peu culpabilisé d'avoir été trop ferme sur cette question de la grandeur à propos de Racine. On l'écoute. J'avais l'impression que ce chapitre sur Racine était moins net, enfin moins fort, que celui sur Corneille, parce qu'il traitait d'une matière un peu complexe, contradictoire. Il n'affirme pas de manière évidente des valeurs, n'est-ce pas ? Non. Tandis que le théâtre de Corneille, c'est quelque chose de magistral, n'est-ce pas ? C'est un monde qui est posé, n'est-ce pas, comme étant le monde de la, si vous voulez, la beauté humaine, n'est-ce pas ? Oui. Ça donne au théâtre de Racine une dimension, dans un certain sens, plus chétive. Et il y a donc un côté moins grand de Racine. Mais, en même temps, il est plus grand, d'une autre manière. Il est plus grand parce que il crée sur une situation ruineuse, n'est-ce pas ? C'est-à-dire une situation où on ne croit plus à ces choses-là. Alors, si on ne croit plus à ces choses-là, quelle est la vérité ? Ben, la vérité est une chose redoutable, c'est une violence, c'est un destin, c'est une malédiction. Et alors, les personnages qui sont innocents sont des malheureux, n'est-ce pas ? Ce sont des gens qui se plaignent. Si vous voulez, l'innocence, c'est un gémissement dans Racine. Et alors, la vérité, c'est la perdition humaine, n'est-ce pas ? Alors, il y a quelque chose là qui est plus grandiose en même temps. Parce que chez Corneille, tout va bien, n'est-ce pas ? Mais tout ne va pas si bien, n'est-ce pas, en fait ? Et alors, il représente, si vous voulez, peut-être quelque chose... On ne peut pas dire de chrétien, parce que ça se formule chez lui sous forme païenne. Oui. J'aurais pu indiquer mieux, n'est-ce pas, que Racine touchait à certaines puissances dans l'homme, n'est-ce pas, et dans l'univers, qui sont aussi considérables que l'héroïsme. Voilà. Laurence de Villers, alors, grandeur dans la misère chez l'homme racinien ou misère, misère et misère, et la question de la grandeur est inadéquate. Alors d'abord, bravo Bénichou, parce que son livre, quand il a fait paraître son livre, il a été décrié par à peu près tous les universitaires, mais je crois que finalement c'est bien d'être critiqué par les institutions, parce que ça donne quand même des grands livres. Je crois que personne n'aurait l'audace d'écrire encore comme ça. Donc d'abord, bravo Bénichou. Ensuite, oui, alors moi je prendrais les mots de Pascal, l'homme est un roi. L'homme est un roi détrôné, mais l'homme est un roi. C'est-à-dire que on a caricaturé, je crois, le tragique janséniste en disant que c'est la misère ou une dialectique de misère et grandeur. D'abord, c'est pire que ça, il n'y a pas de dialectique parce que c'est jamais surmonté. On ne cesse de prouver la misère par la grandeur par la misère, donc on n'arrive pas à un terme qui réconcilie tout. Et je crois qu'il faut réaffirmer ce que dit Pascal, l'homme est un roi sans couronne et sans royaume, mais un roi. Laurent Thirouin. Oui. Alors, moi, j'admire beaucoup l'œuvre de Bénichou et j'admire particulièrement son chapitre sur Corneille dans Les Morales du Grand Siècle. Donc, je connaissais pas du tout, bien sûr, cette interview que vous venez de nous passer et je suis amusé de voir qu'il a le sentiment qu'il était meilleur sur Corneille qu'il ne l'était sur Racine. Je suis d'accord avec lui sur ce point. Et voilà. La grandeur, alors juste un mot, alors, elle existe quand même chez La grandeur, Racine. Voilà, c'est ce qu'il voit en fait, mais il continue à mal le voir, hein, parce que il continue à dire que ce qu'il y aurait de beau chez Racine, chez Pascal, c'est la perdition. Et non, c'est pas que la perdition. Pascal dit que pour avoir perdu, pour dire qu'on a perdu, il faut avoir et n'avoir pas. C'est-à-dire que on ne peut perdre que des choses dont on a conscience qu'on les possède d'une certaine manière. Et rien que de dire j'ai perdu mes clés veut dire que j'avais des clés. Il y a des tas de choses que j'ai pas perdues parce que je ne les ai jamais eues. Et donc, ce que l'homme pascalien a perdu est évidemment une marque de sa grandeur. Et plus il se sent perdant, plus il vérifie, je redirais, comme Laurence de Villers, qu'il est un roi, donc dépossédé. Dépossédé, mais tout le travail de Pascal consiste à empêcher l'homme de se penser lui-même sur le plan ou de la seule grandeur ou de la seule misère. Il le dit d'ailleurs avec une tranquille violence, s'il se vante, je l'abaisse, s'il s'abaisse, je le vante, et le contredit toujours, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il est un monstre incompréhensible. Et on revient au monstre. Donc montrer à l'homme que il est incompréhensible, lui faire comprendre qu'il est incompréhensible. Je vais laisser et le... à partir de là, il y aura besoin d'une autre forme d'explication. Le dernier mot à Tony Guérard. Merci Jean-Louis Mellemann. Oui, je pense que Bénichou, évidemment, continue de figurer dans toutes les bibliographies. Mais il serait un peu simple de considérer que Corneille serait le peintre de la grandeur et Racine le peintre de la misère. Je pense que le tragique cornélien, comme le tragique racinien, viennent des contradictions, viennent de ce qu'on appelait à l'époque les contrariétés, ce mélange inextricable de grandeur et de misère qui fait la passion, la grande passion classique, qui est le fait qu'on veut faire aboutir son bonheur et on n'y arrive pas. Et ça, Corneille et Racine l'ont admirablement démontré dans une perspective qui, comme le disait Laurence de Villers, dépasse des enjeux strictement, étroitement théologiques et religieux et touche au fond de la nature humaine. Et c'est l'ouverture d'Andromaque que vous entendez, l'Andromaque de Camille Saint-Saëns de 1903. Il s'agit d'une version enregistrée en 2019. Florence de Villers, Tony Guérard et Laurent Thirouin, vous avez été exceptionnels ce matin, je trouve, sur Racine et le XVIIe siècle et le jansénisme. Tout cela est tellement vif encore. Ah, ça, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, ma passion pour tout cela ne s'en trouve que confortée. Merci. Les références de vos travaux sont sur notre site. À présent, je vous propose d'écouter la chronique de Frédéric Worm. Cette semaine, il nous parle de la raison. La question qu'il se pose aujourd'hui, c'est comment la raison affronte-t-elle l'irrationnel ? Comment la raison affronte-t-elle l'irrationnel ? La raison est un lien nécessaire entre des choses différentes et on peut, quel que soit son fondement, en trouver des exemples très simples, des exemples très clairs, comme 2 et 2 font 4, dans la définition même des nombres, et finalement on peut expliquer, on peut rendre raison du fait de ce résultat et on peut critiquer toute erreur comme absolument fautive et même pas comme irrationnelle. Il y a une raison même de l'erreur, tu t'es trompé pour telle ou telle raison et la raison semble pouvoir tout expliquer sur ce modèle très simple de la mathématique ou de la logique, du syllogisme par exemple chez Aristote qui construit les premières règles de la logique en passant de A à C par B, B étant un universel. Par exemple, Socrate est un homme, tous les hommes sont mortels, donc Socrate est mortel. Il y a des raisonnements qui sont fondés sur des règles simples et qui nous permettent de penser la rationalité des choses en même temps que la rationalité de notre esprit. Mais pourtant, il y a des phénomènes qui semblent échapper à la raison. La raison rencontre des limites, rencontre ce qu'elle a appelé elle-même l'irrationnel. L'irrationnel, c'est ce qui vient contredire des règles de la raison qui ont peut-être elles-mêmes des défauts. Et du coup, il y a deux façons d'expliquer l'irrationnel. Il y a un irrationnel que beaucoup de doctrines, qu'on appelle des rationalismes intégraux, ont considéré comme nécessairement relatif. C'est-à-dire, ce sont des irrationnels apparents qui nous forcent à compliquer notre concept de raison. Alors l'irrationnel est une crise provisoire dans une raison encore insuffisante. Et il faut saisir une raison plus complexe, plus complète, qui permette de dépasser les irrationnels, car tout, au fond, doit être rationnel. Ainsi, la crise des irrationnels dans la mathématique grecque, la découverte, par exemple, du nombre pi, de nombres très compliqués, qui ne sont pas des nombres réductibles aux nombres entiers comme 2 et 2 font 4, a-t-elle été aussi le signe d'un progrès des mathématiques ? Les mathématiques sont l'art d'expliquer les irrationnels eux-mêmes, qui n'ont rien d'irrationnel, justement, qui ne sont irrationnels que pour une conception insuffisante de la raison. Et le plus grand rationalisme en ce sens est celui de Hegel au XIXe siècle, pour qui tout irrationnel doit être dépassé jusqu'à une raison absolue qui intègre, y compris par exemple, la folie dans l'esprit humain. L'irrationnel dans l'esprit humain n'étant qu'un signe finalement de notre nature rationnelle, mais qui affronte toujours une négativité, la raison étant justement la capacité à intégrer dans la logique, y compris ce qui y échappe, y compris le négatif et le mal. Mais il y a une autre explication, une autre attitude face à l'irrationnel. C'est au contraire de montrer qu'il y a en effet un extérieur radical à la raison, que la raison doit certes affronter, doit s'approprier, mais qu'elle ne peut pas entièrement réduire. Un irrationnel inférieur, en quelque sorte, comme effectivement une menace sur la raison, une folie, un désordre, un chaos aussi, qui fait que l'ordre du monde n'est pas entièrement logique ou rationnel, qu'il y a du désordre absolu et impensable en quelque sorte, et aussi au-delà de la raison, peut-être quelque chose comme un sentiment, une intuition qui dépasse la raison elle-même, mais que celle-ci pourtant doit s'intégrer. Alors il y a ces critiques de la raison par le bas ou par le haut. Le débat par exemple entre Bergson et Bachelard en France au XXe siècle en est un témoignage. Ils ont tous les deux pensé qu'il fallait dépasser la raison immédiate, la raison naturelle, la raison sommaire de l'intellect naïf. L'un par la critique scientifique, c'est Bachelard, l'autre par l'intuition métaphysique, c'est Bergson. Mais ils étaient tous les deux aussi rationalistes. Cette émission a été préparée en particulier par Axel Dubois. Merci à lui et au reste de l'équipe, à Riyad Kera qui l'a réalisée et avec à la technique Élise Leu. Merci aussi aux équipes de Radio France à Lyon qui ont permis un duplex. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.